Il me reste à examiner si les choses matérielles existent. Maintenant, je sais au moins qu'elles peuvent exister en tant qu'objet des mathématiques pures, puisqu'ainsi je les perçois clairement et distinctement. Car il n'y a pas de doute que Dieu soit capable de produire tout ce que je suis capable de percevoir. Et je n'ai jamais pensé qu'il lui fût impossible de faire une chose sous prétexte qu'il me semblait contradictoire de la concevoir distinctement. De plus, la faculté d'imaginer que je ressens en moi lorsque je me tourne vers les choses matérielles me pousse à croire qu'elles existent. En effet, lorsque j'imagine attentivement ce qu'est l'imagination, elle n'apparaît comme rien d'autre qu'une certaine utilisation de la faculté de connaître appliquée au corps qui lui est étroitement présent et qui, par conséquent, existe. Pour que cela soit clair, je remarque tout d'abord la différence entre l'imagination et l'intellection pure. Par exemple, lorsque j'imagine un triangle, non seulement je le conçois comme une figure comprise entre trois lignes, mais en même temps, je considère ces trois lignes comme présentes par la force de mon esprit. C'est ce que j'appelle imaginer. Si effectivement je veux penser un kilogone, je le conçois comme une figure composée de 1000 côtés aussi facilement que je conçois le triangle comme une figure composée de 3. Mais je ne peux pas de la même façon imaginer les 1000 côtés ou les contempler comme s'ils étaient présents. Pourtant, alors, à cause de mon habitude d'imaginer toujours quelque chose quand je pense aux choses corporelles, je me représente peut-être confusément une quelconque figure. Il est évident toutefois que celle-ci n'est pas un kilogone, car elle n'est pas différente de ce que je me représenterais si je pensais à un myriagone ou à d'autres figures avec de nombreux côtés. Et cette figure ne sert à rien pour connaître les propriétés qui distinguent les kilogones d'autres polygones. S'il est question effectivement d'un pentagone, je peux concevoir sa figure sans l'aide de l'imagination, tout comme celle du kilogone. Mais je peux aussi l'imaginer en appliquant en même temps la force de mon esprit à chacun de ses 5 côtés et à l'air contenu en eux. Et je remarque clairement qu'une certaine concentration nécessaire pour imaginer m'est inutile pour concevoir. Et cette singulière concentration de la pensée montre clairement la différence entre l'imagination et l'intellection pure. De plus, je remarque que ce pouvoir d'imaginer qui est en moi, en tant qu'il diffère de mon pouvoir de concevoir, n'est pas nécessaire à l'essence de mon esprit ou de moi-même. Car s'il me manquait, je resterai certainement le même que je suis maintenant. Il semble que l'on puisse déduire de cela que ce pouvoir dépend d'autre chose que de moi. Et je reconnais aisément que si un certain corps existe, auquel mon esprit est lié de telle sorte qu'il puisse s'appliquer à l'examiner à son gré, il est possible qu'ainsi, il imagine les choses corporelles. De sorte que cette façon de penser diffère seulement de la pure intellection en ce que l'esprit, lorsqu'il conçoit, se tourne vers lui-même d'une certaine façon et s'intéresse aux idées qui sont en lui. Cependant, lorsqu'il imagine, il se tourne vers le corps et considère quelque chose conforme à une idée qu'il a formée lui-même ou qu'il a reçue des sens. Je conçois facilement, dis-je, que l'imagination peut se produire ainsi à condition que les corps existent. Et parce que je ne trouve aucun moyen pour expliquer convenablement ce pouvoir d'imaginer, je présume qu'il est probable que les corps existent. Mais ce n'est que probable. Et bien que j'examine avec soin toute chose, je ne vois pas pourtant comment tirer un argument qui conclut nécessairement à l'existence d'un quelconque corps à partir de cette idée distincte de la nature corporelle que je trouve dans mon imagination. Or, j'ai l'habitude d'imaginer beaucoup d'autres choses, en plus de cette nature corporelle qui est l'objet de la mathématique pure, comme les couleurs, les sons, les saveurs, la douleur et autres choses semblables. Mais jamais de façon aussi distincte. Comme je les perçois mieux par les sens, grâce auxquels, avec l'aide de la mémoire, elles parviennent à mon imagination, il serait bon, pour en traiter avec plus de pertinence, d'étudier comment les sens agissent, en regardant si, à partir des idées que je perçois au moyen de cette façon de penser que j'appelle sentir, je peux avoir un argument certain sur l'existence des choses corporelles. D'abord, je me rappellerai quelles sont les choses que je croyais être vraies auparavant, comme étant reçues par les sens, et pour quelles raisons je croyais cela. Ensuite, j'examinerai quelles sont les causes pour lesquelles je les ai révoquées en doute. Enfin, je considérerai ce que je dois en croire maintenant. Tout d'abord donc, j'ai senti que j'avais une tête, des mains, des pieds, et tous les autres membres dont le corps est constitué, que je considérais soit comme une partie de moi-même, soit peut-être aussi comme l'ensemble de ma personne. De plus, j'ai senti que ce corps se trouvait habituellement parmi de nombreux autres, par lesquels il pouvait recevoir divers avantages ou inconvénients, et j'appréciais ces avantages par un sentiment de plaisir et les inconvénients par un sentiment de douleur. Et, en plus de cette douleur et de ce plaisir, je ressentais aussi en moi la faim, la soif et d'autres désirs semblables, ainsi que certains penchants corporels vers la joie, la tristesse, la colère et d'autres passions identiques. Et au dehors, en plus de l'étendue, des figures et des mouvements des corps, je sentais en eux de la dureté, de la chaleur et d'autres qualités tangibles, et aussi de la lumière, des couleurs, des odeurs, des saveurs et des sons, dont la variété me permettait de distinguer tour à tour le ciel, la terre, la mer et tous les autres corps. Or, devant les idées de toutes ces qualités qui se présentaient à ma pensée et qui étaient les seules que je sentais proprement et immédiatement, ce n'était pas sans raison que je supposais sentir en moi des choses entièrement différentes de ma pensée, c'est-à-dire des corps d'où provenaient ces idées. En effet, je voyais qu'elles se présentaient à moi sans mon consentement, à tel point que je ne pouvais sentir aucun objet, bien que je le veuille, s'il ne se présentait à l'organe d'un de mes sens, et qu'il m'était impossible de ne pas le sentir lorsqu'il était présent. Et comme les idées reçues par les sens étaient beaucoup plus vives, plus expresses, et à leur manière plus distinctes que toutes celles que je me représentais en toute conscience par mes méditations, ou que je remarquais imprimées dans ma mémoire, il semblait qu'elles ne pouvaient pas provenir de moi-même. Ainsi, elles pouvaient seulement provenir d'autre chose. Et n'ayant aucune connaissance de ces choses, sinon celle que me donnaient ces mêmes idées, il ne pouvait me venir rien d'autre à l'esprit que ces choses étaient semblables à leurs idées. Et parce que je me souvenais aussi que j'avais plutôt utilisé mes sens que ma raison, et que je remarquais que les idées que je formais moi-même n'étaient pas aussi expressives que celles que je percevais par les sens, et même qu'elles étaient composées des parties de celles-ci, je me persuadais facilement que je n'avais absolument rien dans l'entendement que je n'eusse eu auparavant par les sens. Et je croyais, non sans raison, que ce corps que j'appelais mien par un droit particulier m'appartenait plus que n'importe quel autre, car je ne pouvais jamais en être séparé comme des autres corps. Je sentais de l'appétit et des passions en lui et pour lui. Et enfin, je remarquais de la douleur et des picotements de plaisir dans toutes ses parties, et non dans celles des corps extérieurs à lui. Pour quelle raison savais-je à partir de là que le sentiment de douleur était suivi de tristesse, et que la joie naissait des picotements de plaisir? Ou pourquoi ce je ne sais quel tiraillement de l'estomac que j'appelle faim me conseille de me nourrir, et la sécheresse du gosier me donne envie de boire, et ainsi de suite? Je ne pouvais totalement en rendre raison, sinon que la nature me l'enseignait ainsi. Car il n'y a aucun rapport, du moins que je conçoive, entre ce tiraillement et le désir de manger, ni non plus entre le sentiment d'une chose causant de la douleur et la pensée de tristesse issue de ce sentiment. Et de plus, il me semblait avoir appris de la nature tout ce que je pensais à propos des objets de mes sens, parce qu'en effet, j'avais l'habitude d'en être persuadé avant d'avoir examiné les raisons qui les prouvent. Mais peu à peu, de nombreuses expériences ébranlèrent toute la confiance que j'avais mise dans les sens. Car quelquefois, des tours que j'avais vues rondes de loin apparaissaient carrées vues de près, et les immenses statues élevées sur leur sommet me paraissaient petites vues du sol. Et en d'innombrables expériences identiques, j'ai remarqué de l'erreur dans les jugements fondés sur les sens externes, et pas seulement d'ailleurs pour les sens externes, mais aussi pour les sensations internes. Car qu'est-ce qui peut être plus intime que la douleur? De plus, j'ai appris autrefois par les gens amputés des jambes ou des bras, qu'il leur semblait encore quelquefois sentir de la douleur dans la partie du corps qui leur manquait. C'est pourquoi je ne pouvais être totalement certain d'avoir mal à un de mes membres, quoique je sentisse de la douleur en lui. En outre, j'ai ajouté récemment à ces raisons de douter deux autres plus générales. La première était que je n'ai jamais rien cru sentir en étant éveillé, que je ne puisse quelquefois supposer sentir en dormant. Comme je ne croyais pas que les choses que je supposais sentir durant le sommeil provenaient de choses hors de moi, je ne voyais pas pourquoi j'aurais plutôt cru celles qu'il me semblait sentir en étant éveillé. Et la seconde raison était que je ne voyais rien qui s'opposait à ce que je sois constitué d'une nature telle que je me trompasse même dans les choses qui m'apparaissaient les plus véridiques, puisque jusqu'à présent, j'ignorais ou je faisais semblant d'ignorer l'auteur de ma naissance. Et quant aux raisons qui m'avaient auparavant persuadé de la vérité des choses sensibles, je n'avais aucune difficulté à les réfuter. En effet, comme la nature semblait me pousser à beaucoup de choses dont la raison me détournait, je ne croyais pas accorder beaucoup de confiance à ce que la nature m'enseignait. Et bien que les perceptions de mes sens ne dépendent pas de ma volonté, je ne pensais pas en conclure pour cela qu'elles provenaient de choses extérieures à moi, car il y a peut-être en moi-même une faculté, inconnue de moi pour l'instant, qui en soit la cause. Mais maintenant, que je commence à mieux me connaître moi-même et à mieux connaître l'auteur de ma naissance, je ne pense pas que je doive imprudemment admettre tout ce que les sens semblent nous enseigner, ni non plus tout révoquer en doute. Premièrement, puisque je sais que tout ce que je conçois clairement et distinctement peut être produit par Dieu tel que je le conçois, il suffit que je conçoive clairement et distinctement une chose sans une autre pour être certain que l'une est différente de l'autre, car elles peuvent être établies séparément au moins par Dieu. Et peu importe par quelle puissance se fait cette séparation pour les juger différentes. Et de là, puisque je sais avec certitude que j'existe et que cependant, je remarque que rien d'autre n'appartient nécessairement à ma nature ou à mon essence, si ce n'est que je suis une chose pensante, je conclus directement que mon essence consiste uniquement en cela, être une chose pensante. Et bien que peut-être, ou plutôt certainement, comme je le dirai tout à l'heure, j'ai un corps auquel je suis très étroitement uni, toutefois, parce que d'une part, j'ai une idée claire et distincte de moi-même en tant que je suis une chose qui pense, et non spatiale, et que d'autre part, j'ai une idée distincte du corps en tant que chose étendue et qui ne pense pas, il est certain que je suis effectivement une chose différente de mon corps et que je peux exister sans lui. De plus, je trouve en moi des facultés qui sont des façons de penser particulières, les facultés d'imaginer et de sentir, sans lesquelles je peux me concevoir tout entier clairement et distinctement, mais non pas elles sans moi, c'est-à-dire sans une substance intelligente où elles se trouvent. En effet, elles contiennent dans leur concept formel une signification par laquelle je les distingue de moi, comme je distingue les modes d'une chose et la chose. Je reconnais aussi avoir quelques autres possibilités, comme celle de me déplacer, de prendre des postures diverses, et d'autres semblables qui, pas plus que les précédentes, ne peuvent être conçues sans une quelconque substance où elles demeurent, ni par conséquent exister sans elles. Mais il est évident que si elles existent, elles doivent demeurer dans une substance corporelle ou étendue, et non dans une substance intelligente, car elles contiennent dans leur concept clair et distinct une certaine étendue et aucune intelligence. De plus, il y a en moi une faculté passive de sentir, ou de recevoir et connaître les idées des choses sensibles, qui me serait inutile s'il n'existait pas une faculté active, en moi ou en autrui, qui produirait ou formerait ces idées. Or, cette dernière faculté ne peut pas être en moi, car elle ne présuppose pas d'intelligence, et que ces idées apparaissent sans ma coopération et même souvent contre mon gré. Il reste donc qu'elle existe dans une certaine substance différente de moi, dans laquelle toute la réalité qui est objectivement dans les idées produites par cette faculté doit être contenue formellement ou éminemment, comme je l'ai déjà remarqué. Et soit cette substance est un corps, c'est-à-dire une nature corporelle, dans laquelle est contenu formellement et effectivement tout ce qui est objectivement dans les idées, soit c'est Dieu ou quelque autre créature plus noble que le corps, dans laquelle tout cela est éminemment contenu. Or, comme Dieu n'est pas trompeur, il est tout à fait évident qu'il n'introduit pas ses idées directement en moi, ni par l'intermédiaire de quelque créature dans laquelle leur réalité ne soit pas contenue formellement, mais seulement éminemment. Car n'ayant reçu aucune faculté pour connaître cela, mais au contraire une très grande inclination à croire qu'elles me sont envoyées par des choses corporelles, je ne vois pas comment on pourrait le concevoir comme n'étant pas trompeur si ces idées étaient émises par d'autres choses que les choses corporelles. À partir de là, les choses corporelles existent. Toutefois, elles n'existent peut-être pas totalement telles que nous les saisissons par les sens, car cette perception est, dans de nombreux cas, très obscure et très confuse. Mais au moins, tout ce que dans ces choses je conçois clairement et distinctement, c'est-à-dire tout ce qui, considéré en général, est compris dans l'objet des mathématiques pures, tout cela s'y trouve véritablement. Quant au reste des choses qui sont soit particulières, à l'exemple du soleil, qui est de telle taille, de tel aspect, etc., soit conçu de façon moins claire et moins distincte, comme la lumière, le son, la douleur et d'autres semblables, bien qu'elles soient très douteuses et incertaines, de cela seul que Dieu n'est pas trompeur, et qu'alors il n'a pas pu faire qu'il y ait une erreur dans mes opinions sans m'attribuer la faculté de la corriger, cela me donne l'espoir certain de parvenir effectivement à la vérité sur elle. Et vraiment, il n'y a aucun doute que tout ce qui m'est enseigné par la nature contient quelque vérité. Car par la nature considérée en général, je ne conçois rien d'autre maintenant que Dieu lui-même, ou bien l'institution et la coordination des choses créées par Dieu. Et par ma nature singulière, je ne conçois rien d'autre que l'assemblage de toutes les choses que Dieu m'a données. Or, il n'y a rien que cette nature ne m'enseigne plus expressément que j'ai un corps, qui est mal en point lorsque je ressens de la douleur, qui a besoin de manger ou de boire quand il éprouve la faim ou la soif, etc. Et je ne dois pas douter qu'il y a ici quelque vérité. La nature m'enseigne en outre, à travers les sensations de douleur, de faim, de soif, etc., que je n'ai pas mon corps à ma disposition comme un pilote dispose de son navire, mais que je lui suis si étroitement attaché et presque confondu que je compose comme un seul tout avec lui. Sans cela, en effet, quand mon corps se blesse, je ne sentirai pas de douleur, moi qui ne suis rien d'autre qu'une chose qui pense, mais je percevrai cette blessure de façon purement intellectuelle, comme un pilote aperçoit par la vue quelque avarie sur son bateau. Et quand mon corps a faim ou soif, je concevrai cela clairement, sans avoir les sensations confuses de faim et de soif. Car en effet, les sensations de soif, de faim, de douleur, ne sont rien d'autre que des façons confuses de penser qui me viennent de l'union et du quasi-mélange de l'esprit avec le corps. De plus, j'apprends par la nature que plusieurs autres corps existent autour du mien, parmi lesquels je dois en rechercher certains et en éviter d'autres. Et du fait que je ressens puissamment différentes couleurs, sons, odeurs, saveurs, chaleurs, duretés, etc., je conclus parfaitement qu'il y a dans les corps quelques nuances qui leur correspondent, d'où proviennent toutes ces perceptions des sens, bien que peut-être ces nuances ne leur soient pas tout à fait semblables. De plus, du fait que parmi ces perceptions, les unes sont agréables, les autres désagréables, il est certain que mon corps, ou plutôt moi-même tout entier, en tant que composé du corps et de l'âme, peut recevoir des bienfaits et des dommages venus des corps qui l'entourent. Mais il y a plusieurs choses qui semblent être enseignées par la nature et que je n'ai pas réellement reçues d'elle, mais de l'habitude de juger inconsidérément, et donc il peut facilement arriver qu'elles soient fausses. Par exemple, l'idée que tout l'espace où rien n'affecte mes sens soit vide, l'idée que dans un corps qui est chaud, il y ait quelque chose de semblable à l'idée de chaleur qui est en moi, que dans un corps blanc ou noir, il y ait la même blancheur ou noirceur que je sens, que dans un corps amer ou doux, il y ait la même saveur, etc. Que les astres et les tours et les autres corps éloignés sont aussi grands et de la même forme que les sens me les montrent, et ainsi de suite. Mais pour que tout cela soit connu distinctement, je dois précisément définir ce que je veux réellement dire quand je dis que la nature m'enseigne quelque chose. Car je prends ici cette nature dans un sens beaucoup plus strict que celui de l'assemblage de toutes les choses que Dieu m'a données, puisque cet ensemble contient beaucoup de choses qui appartiennent seulement à l'esprit. Comme savoir que ce qui a été fait ne peut pas ne pas avoir été fait, et tout ce qui est connu par la lumière naturelle, dont il n'est pas question ici. Beaucoup d'autres appartiennent au corps seul, comme le fait d'être pesant, desquels je ne m'occupe pas non plus, mais je traite uniquement de ce qui est en moi et que Dieu m'a attribué en tant que composé de corps et d'esprit. Et cette nature apprend à fuir ce qui cause un sentiment de douleur et à suivre ce qui cause un sentiment de plaisir et autres semblables. Mais il ne me semble pas en outre qu'elle nous apprenne qu'à partir de ces perceptions des sens, nous devons tirer des conclusions sur ces choses hors de nous sans examen préalable de l'esprit. Car il semble que la connaissance de la vérité appartienne à l'esprit seul et non au composé de l'esprit et du corps. Ainsi, quoiqu'une étoile n'affecte pas plus mon œil que le feu d'un petit flambeau, il n'y a toutefois en moi aucune tendance réelle ou naturelle qui me fasse croire qu'elle n'est pas plus grande. Mais dès mon enfance, je l'ai jugée ainsi sans aucune raison. et bien qu'en me rapprochant du feu, je sente de la chaleur, et même en me rapprochant un peu trop près, je sente de la douleur, il n'y a vraiment aucune raison pour me persuader qu'il y a dans le feu quelque chose de semblable à cette chaleur ou à cette douleur. Mais j'ai seulement raison de croire qu'il y a en lui quelque chose, quoi que cela puisse être, qui provoque en nous les sensations de chaleur et de douleur. Et ainsi, bien que dans tel espace il n'y ait rien qui n'émeuve les sens, je ne dois pas conclure pour cela qu'aucun corps n'est en lui. Mais je vois que, autant ici que dans d'autres choses semblables, j'ai pris l'habitude de renverser l'ordre de la nature. Car ces perceptions des sens m'ont été données par la nature dans le seul but de signifier à mon esprit ce qui convient ou ne convient pas au composé dont il fait partie. Et pour cela, elles sont suffisamment claires et distinctes. Or, je m'en sers comme si elles étaient des règles certaines pour discerner immédiatement la nature des corps qui sont hors de moi, sur laquelle toutefois elles ne peuvent rien dire d'autre qui ne me soit très obscur et très confus. Et j'ai déjà assez étudié auparavant pour quelles raisons il arrive que mes jugements soient faux sans pour autant contredire la bonté de Dieu. Mais il apparaît encore ici une nouvelle difficulté à propos des choses que la nature m'indique comme devant être suivies ou évitées, et des sentiments intérieurs qu'elle a mis en moi, dans lesquels il me semble avoir aperçu des erreurs. Comme quand je suis trompé par le goût agréable d'un mets dans lequel est caché du poison. Mais la nature me pousse alors à désirer le goût agréable, et non le poison dont la présence est totalement ignorée. On ne peut rien conclure de cela, si ce n'est que la nature n'est pas omnisciente, ce qui n'est pas étonnant, puisque l'homme étant une chose limitée, il ne peut avoir qu'une connaissance d'une perfection limitée. D'un autre côté, il n'est pas rare de nous tromper, même dans ce qui nous est indiqué par la nature, comme chez ces malades qui désirent boire ou manger même ce qui leur sera nuisible. On dira peut-être ici que la cause de leur erreur vient de leur nature altérée, mais cela n'enlève rien à la difficulté, car un homme malade n'est pas moins la créature de Dieu qu'un homme en bonne santé. À partir de là, il semble contraire à Dieu qu'il ait une nature trompeuse. Considérons une horloge qui, faite de roues et de contrepoids, ne respecte pas moins exactement toutes les lois de la nature lorsqu'elle est mal faite et qu'elle n'indique pas bien les heures, que lorsqu'elle satisfait en toutes ses parties au désir de l'ouvrier. Si je considère le corps humain comme une machine tellement faite d'os, de nerfs, de muscles, de veines, de sang et de peau, que bien qu'il n'eût en lui aucun esprit, il aurait quand même tous les mêmes mouvements que maintenant, alors qu'ils ne proviennent ni du commandement, ni de la volonté, ni donc de l'esprit. Je reconnais alors facilement qu'il serait aussi naturel à ce corps, s'il souffre par exemple d'hydropisie, de sentir sa gorge sèche qui signifie habituellement à l'esprit le sentiment de soif, et d'être ainsi disposé adéquatement par les nerfs et d'autres parties du corps pour boire et augmenter sa maladie, qu'il lui serait naturel de boire, en raison d'un semblable dessèchement du gosier, s'il n'avait aucune anomalie. Et bien que, en considérant l'usage prévu de l'horloge, je puisse en dire qu'elle se détourne de la nature lorsqu'elle n'indique pas bien les heures, de la même façon, en considérant la machine du corps humain comme réglée par les mouvements habituels qui sont en lui, je suppose qu'elle s'écarte de la nature si son gosier est sec et que boire ne lui permet pas de se conserver. Je vois bien que cette dernière acception de la nature diffère beaucoup de l'autre. En effet, celle-ci n'est rien d'autre qu'une dénomination extérieure à la chose et issue de ma pensée, comparant un homme malade et une machine mal faite, avec l'idée d'un homme en bonne santé et d'une horloge bien faite. Alors que par l'autre acception, je conçois quelque chose qui se rencontre vraiment dans les choses et qui ainsi n'est pas dénué de vérité. Et certes, même si en considérant la souffrance du corps hydropique, ce n'est qu'une dénomination extérieure lorsqu'on dit que sa nature est corrompue et qu'ayant la gorge sèche, il n'a cependant pas besoin de boire, toutefois, en considérant le composé ou l'union de l'esprit et du corps, ce n'est pas une pure dénomination, mais une véritable erreur de la nature en ce qu'il a soif quand boire lui est nuisible. Il reste à savoir de quelle manière la bonté de Dieu n'empêche pas que la nature ainsi considérée soit trompeuse. C'est que, avant tout, je remarque une grande différence entre l'esprit et le corps. Le corps est par nature toujours divisible. L'esprit est totalement indivisible. En effet, Quand je considère cela, c'est-à-dire moi-même en tant que chose pensante, je ne peux distinguer aucune partie en moi, mais je conçois seulement une chose unique et entière. Et bien qu'il semble que le corps entier soit uni à l'esprit entier, je peux sectionner toutefois un pied ou un bras, ou une quelconque partie du corps, sans que pour cela quelque chose soit ôté à mon esprit. Et les facultés de vouloir, sentir, concevoir, etc., ne peuvent être dites ces parties, car c'est le même esprit dans son intégralité, qui veut, qui sent, qui conçoit, etc. Au contraire, il n'y a vraiment aucune chose corporelle ou étendue que je puisse penser, et qui ne puisse se diviser facilement en parties par la pensée, et donc que je ne conçoive comme divisible. Cela seul suffit pour m'apprendre que l'esprit est totalement différent du corps, si d'ailleurs je ne l'avais pas encore suffisamment appris. Je remarque ensuite que l'esprit n'est pas affecté immédiatement par toutes les parties du corps, mais seulement par le cerveau, ou peut-être par une de ses plus petites parties, c'est-à-dire celle que l'on appelle le sens commun, laquelle, chaque fois qu'elle est disposée de la même façon, montre la même chose à l'esprit, bien que les autres parties du corps puissent avoir une position différente, comme le montrent des expériences innombrables qu'il n'est pas besoin de mentionner ici. De plus, je remarque que cette nature corporelle est telle qu'aucune partie ne peut être mue par une autre partie un petit peu éloignée sans qu'elle ne puisse l'être aussi de la même façon par les parties qui sont entre les deux, même lorsque cette partie plus éloignée n'agit pas. Soit par exemple la corde A, B, C, D. Si on tire sur la corde en son extrémité D, la partie A ne sera pas remuée d'une autre façon que celle dont elle serait mue si l'on tirait une des parties intermédiaires B ou C et que la dernière A restait immobile. Pour la même raison, quand je ressens de la douleur au pied, la physique m'apprend que ce sentiment provient du travail des nerfs répandus à travers le pied qui sont déployés comme des cordes de là jusqu'au cerveau. Lorsque les nerfs sont tirés au niveau du pied, ils tirent aussi en même temps l'endroit du cerveau d'où ils viennent et auquel ils aboutissent, et ils y excitent un certain mouvement institué par la nature pour faire sentir une douleur à l'esprit comme si elle venait du pied. Mais parce que les nerfs doivent traverser le tibia, la cuisse, les reins, le dos et le cou pour parvenir des pieds jusqu'au cerveau, il peut arriver que, bien que les parties qui sont dans le pied ne soient pas remuées, mais seulement certaines qui passent par les reins ou par le cou, cela excite néanmoins les mêmes mouvements dans le cerveau que ceux qui se produiraient dans le pied lui-même. De cela, il en résulte que l'esprit ressente la même douleur, et il faut juger ainsi de n'importe quelle autre sensation. Enfin, je remarque que, puisque chaque chose ne produit qu'un seul sentiment qui affecte immédiatement l'esprit à partir des mouvements qui sont dans la partie du cerveau, on ne peut rien trouver de mieux que ce mouvement parmi tous les sentiments qu'il peut causer, qui permettent le plus et le plus souvent la conservation de la santé de l'homme. Il est prouvé par l'expérience que les sens sont placés ainsi en nous par la nature. Et de là, rien ne peut être découvert en eux qui ne témoigne de la puissance et de la bonté de Dieu. Ainsi, par exemple, lorsque les nerfs qui sont dans le pied sont remués de façon véhémente, et plus souvent qu'à l'ordinaire, leur mouvement atteignant les profondeurs du cerveau à travers la moelle épinière donne le signal à l'esprit d'une certaine impression, à savoir la douleur, comme si elle existait dans le pied. L'esprit est incité à faire tout ce qu'il peut pour en chasser la cause dangereuse pour le pied. Il est vrai que Dieu aurait pu constituer la nature humaine de façon à ce que ce même mouvement dans le cerveau indiqua tout autre chose à l'esprit, à savoir qu'il se fît se sentir lui-même comme s'il était dans le cerveau, ou comme s'il était dans le pied, ou dans un quelconque endroit intermédiaire, ou finalement tout autre chose. Mais rien de tout cela n'aurait aussi bien conduit à la conservation du corps. De la même façon, lorsque nous avons besoin de boire, il se forme une sécheresse dans la gorge, remuant ses nerfs, et à travers eux, les parties intérieures du cerveau. Et ce mouvement fait ressentir à l'esprit le sentiment de soif, parce que rien ne nous est plus utile, en cette occasion, que de savoir que nous avons besoin de boire pour la conservation de la santé. Il en est de même pour de nombreuses autres choses. À partir de là, il est tout à fait manifeste que, sans contredire l'immense bonté de Dieu, il est impossible que la nature humaine, en tant que composée de corps et d'esprit, ne se trompe pas, quelquefois. En effet, s'il y a quelque cause qui excite, non pas dans le pied, mais dans une partie du nerf qui s'étend du pied jusqu'au cerveau lui-même, le même mouvement qui se fait habituellement lorsque le pied est incommodé, on sentira de la douleur comme si elle était dans le pied, et le sentiment sera naturellement erroné. Parce qu'un même mouvement dans le cerveau ne pouvant causer dans l'esprit qu'un même sentiment, et ce sentiment étant beaucoup plus excité par une cause qui blesse le pied que par une autre qui existe ailleurs, il est raisonnable qu'il indique toujours à l'esprit plutôt la douleur du pied que celle d'une autre partie. Et bien que la sécheresse du gosier ne vienne pas toujours comme à l'ordinaire de ce que boire conduise à la santé du corps, mais parfois d'une cause contraire comme il arrive aux hydropiques, toutefois, il est beaucoup mieux qu'elle se trompe en cette occasion-là que si, au contraire, elle se trompait toujours lorsque le corps est bien disposé, et ainsi de suite pour le reste. Et cette considération m'est extrêmement utile, non seulement pour m'aviser de toutes les erreurs dont ma nature est responsable, mais aussi pour les corriger et les éviter plus facilement. Car sachant que les sens m'indiquent plus souvent le faux que le vrai concernant les agréments du corps, je peux toujours utiliser plusieurs d'entre eux pour examiner une même chose. Et de plus, grâce à ma mémoire qui relie les choses présentes aux précédentes, et de mon entendement qui a déjà découvert toutes les causes de mes erreurs, je ne dois plus craindre maintenant de rencontrer des erreurs dans ce qui m'est quotidiennement représenté par les sens. Et je dois rejeter comme ridicule les doutes hyperboliques des jours précédents, et plus particulièrement l'incertitude concernant le sommeil, que je ne pouvais pas distinguer de la veille. Maintenant, en effet, je remarque une différence considérable entre les deux. Notre mémoire ne peut jamais relier nos songes entre eux, ni avec le reste de notre vie comme elle le fait avec ce qui nous arrive en étant éveillé. En effet, si quelqu'un, quand je veille, m'apparaissait soudainement et disparaissait aussitôt, comme cela arrive en dormant, sans que je puisse voir d'où il vient, ni où il va, j'aurais raison de juger que c'est une vision, ou un être imaginaire formé dans mon cerveau, plutôt qu'un homme véritable. Mais lorsque j'aperçois quelque chose, et que je sais distinctement d'où cela vient, où et quand cela a lieu, et que je le relie sans aucune interruption à tout le reste de ma vie, je suis certain que cela m'arrive en étant éveillé, et non dans le sommeil. Et je ne dois même pas douter de ces choses-là, si après avoir rassemblé tous mes sens, ma mémoire et mon entendement, aucune de ces facultés ne contredit les autres. Car, puisque Dieu n'est pas trompeur, il en découle que je ne me trompe pas sur ce genre de choses. Mais parce que les contraintes des affaires quotidiennes ne nous laissent pas toujours le temps de les examiner soigneusement, il faut avouer que la vie humaine est souvent sujette à l'erreur à l'égard des choses particulières. Et il faut bien là reconnaître la faiblesse de notre nature.